Chapitre 5. Deux cordes à l'arc. Il eût été à souhaiter pour le jeune Henri Harding, et peut-être aussi pour son frère Nigel, qu'ils eussent été aussi maltraités que moi dans leur première campagne amoureuse, et qu'ils eussent supporté leur échec avec la même philosophie. Mais ils furent tous deux plus ou moins fortunés. Ni l'un ni l'autre n'était un capitaine en demi-solde, sans espérance. Et au lieu de se voir exposé à un dédain, équivalent presque à une expulsion, il leur fut permis, pendant longtemps, de s'épanouir au sourire de la charmante belle. Il existait, dans la façon dont les deux frères lui adressaient leurs hommages, une différence bien tranchée. Henri s'efforçait d'emporter d'assaut le cœur de belle Mainwaring. Nigel, obéissant à ses instincts, en faisait lentement le siège. Le premier aimait avec l'ardeur du lion, le second avec la sournoise tranquillité du tigre. Lorsque Henri s'imaginait avoir remporté quelques succès, il ne faisait aucun effort pour déguiser sa joie. Quand la chance semblait se tourner contre lui, il laissait voir son chagrin avec la même franchise. Dans l'un et l'autre cas, Nigel ne se départait pas de son impassibilité. Son affection pour Miss Mainwaring était si réservée que peu de personnes y croyaient. Belle ne s'y trompait pas. D'après ce que j'ai appris et même ce que j'ai pu voir, elle jouait son jeu dans la perfection, sa mère lui servant de croupier. Elle s'aperçut bien vite qu'elle pouvait choisir entre les deux jeunes gens, mais elle ne se décida pas immédiatement. Elle distribuait si impartialement ses amabilités et ses grâces que les plus intimes de ses amis finirent par s'en étonner et à croire qu'elle se souciait aussi peu de l'un que de l'autre. C'était au moins une question, car Belle ne restreignait pas ses désirs à l'admiration exclusive des demi-frères Harding. D'autres jeunes gens du voisinage étaient, au bal ou aux assemblées de tireurs d'arc, gratifiés à l'occasion d'un sourire. Miss Mainwaring semblait hésiter à donner son cœur. L'heure arriva, pourtant, où l'on supposa qu'elle s'était irrévocablement fixée. Dans tous les cas, elle avait pour cela de bonnes raisons. Un incident survenu à la chasse parut donner à Henri Harding des droits à la main de Bette Mainwaring, en supposant cependant que toujours la plus belle doit appartenir au plus vaillant. Cet incident au reste était si extraordinaire qu'il mériterait d'être rapporté, en dehors même de l'influence qu'il semblait appelé à exercer sur la destinée des personnages de notre drame. C'était une chasse à cour, et la lalie avait lieu près d'un vaste étang, situé dans un des terrains ouverts si communs dans la zone des monts Chiltern. En bondissant hors des fourrés, le cerf avait aperçu le scintillement de l'eau. Il s'en souvint à l'heure des abois. C'était un animal paresseux qui ne se fit pas battre longtemps. Guidé par l'instinct, il revint sur ses voies dans la direction de l'étang. Il y arriva avant que les voitures réunies au lieu du rendez-vous eussent le temps de se garer. Parmi ces voitures se trouvait le Fatéon, attelé d'un poney contenant Madame Mainwaring et sa fille. Dans cette froide matinée d'hiver, le teint de Belle resplendissait. Ses joues semblaient avoir remporté leur éclat aux vestes écarlates des chasseurs qui se pressaient autour d'elle. Le cocher du phaéton se rangea contre l'étang, parallèlement à la berge. Le cerf, sur son retour, frisa le nez du poney et plongea dans l'eau. Le cheval, affolé de peur, pointa et, pivotant sur ses pieds de derrière, se précipita dans l'étang, entraînant avec lui le phaéton. Il ne s'arrêta que lorsque l'eau baignait déjà les pieds des dames. À ce moment même, le cerf, aux abois, s'était également arrêté. Faisant volte-face, il s'élança furieusement contre le phaéton. Du premier choc, le poney fut renversé. Vint ensuite le tour du cocher, qui, enlevé de son siège par les andouillés de l'animal enragé, décrivit en l'air une courbe aboutissant à l'étang, dans lequel il s'enfonça la tête la première. La situation des deux dames était des plus critiques. Nigel s'était trouvé l'un des premiers au bord de l'étang. Il y restait irrésolu, rivé sur sa selle, et Belle Mainwaring aurait pu être frappée à mort sous ses yeux si à ce moment l'était arrivé son frère. Enfonçant ses éperons dans le ventre de sa monture, Henri se précipita dans l'eau, vint se ranger près du phaéton, sauta hors de selle et saisit le cerf par les andouillés. La lutte qui suivit aurait pu se terminer fatalement pour le jeune homme, mais un garde entrant résolument dans l'eau vint enfoncer son couteau de chasse dans la gorge du cerf. Le poney, légèrement blessé, fut remis sur ses pieds. Le cocher, à moitié suffoqué, hissé sur son siège, et le phaéton remonté sur la berge au grand soulagement des deux dames épouvantées. En quittant le théâtre de l'accident, chacun demeura persuadé que Miss Belle Mainwaring échangerait sous peu son nom contre celui de Madame Henri Harding.